Racheter, laver, purifier, justifié par le sang de l'agneau. Amen. Zamba zali bolingo, azante na bolingo, El Shaddai azali, zambo ya tonda na bolingo. Zamba zali bolingo, azante na bolingo, El Shaddai azali, zambo ya tonda na bolingo. Tobianga mama santu mwana nzambe bali makiba pasi nyoso kuze natina mpotenga na yo toswa ba moya seko mwana nzambe bali makimi nyoko nyoso kuze. Adorer Jésus, il n'y a rien de plus beau, tu es tout le meilleur. Ma vraie joie et ma justice, oh je t'aime mon Seigneur. Oh, mama toko landa masi Mosa koli changa toko landa masi Bana sincer toko landa masi Na la gloire de Dieu toko landa masi Godona François toko landa masi Alena lati toko landa masi Mama tutu toko landa masi Mama molombo toko landa masi